Space. Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce vendredi 19 octobre. Au lever du jour, nuages sur les côtés, brumes ou bandes brouillard dans les terres et dans les vallées. Soleil partout ensuite avant la fin de la matinée avec un vent faible à modéré et des températures minimales comprises ce matin entre 6 et 13 degrés. Large soleil encore pour tout ce vendredi après-midi avec un vent sensible près du littoral et des maximales stables entre 18 et 21 degrés. Ensuite, beau temps pour tout le week-end sur toute la Normandie avec un ciel le plus souvent largement ensoleillé les deux jours. Ou un peu voilé localement samedi matin. Samedi, il fera de 6 à 18 degrés. Dimanche, entre 4 et 19 degrés. La semaine prochaine, mercure en baisse avec d'abord un temps sec, puis de la pluie. Dans la nuit de ce mercredi à jeudi, entre 4h et 5h du matin, plusieurs Lauvériens ont été réveillés par les sirènes des pompiers et de la police dans la rue des Oiseaux, Boieldieu ou encore devant le lycée de Créteaux. Une dizaine de véhicules ont brûlé, propageant même certaines flammes dans les jardins environnants. Une vingtaine de policiers se sont mobilisés pour arrêter ces incendies volontaires. L'enquête est en cours pour déterminer le nombre exact de véhicules touchés par ces feux. C'est ce qu'a expliqué le commissaire Julien Daubigny hier matin. Le personnel du service de proximité de Ville-de-Louviers était également sur le terrain dès l'aube pour répertorier les dégâts. Nous comptons une quinzaine de véhicules, dont deux camions, c'est ce qu'a estimé l'un d'entre eux. Dans un communiqué de presse, François-Xavier Priolo, maire de Louviers, a condamné avec la plus grande fermeté les violences urbaines commises dans la nuit à Louviers. Il s'agit d'actes inadmissibles qui méritent des sanctions exemplaires, c'est ce qu'il a donc déclaré. Aucun blessé n'était à déplorer. Avisé sur le 17 de la présence suspecte d'individus près de la prison Bonne Nouvelle à Rouen, le centre d'information et de commandement de l'hôtel de police a sollicité l'intervention d'un équipage de la brigade spécialisée de terrain pour aller sur place. Dimanche dans l'après-midi, un témoin indiquait avoir aperçu deux hommes balancer un paquet par-dessus le mur d'enceinte de l'établissement pénitentiaire. En arrivant sur place, rue Laurent, la patrouille a remarqué une Opel Astra qui démarrait en trombe avec deux personnes à bord. Le véhicule a pris la direction de l'avenue Jean Rondeau. Les policiers qui ont eu le signalement des deux suspects se sont lancés à la poursuite et l'ont intercepté un peu plus loin. Le conducteur était un homme de 24 ans domicilié à Évreux. Le passager, lui, également d'Évreux, était âgé de 23 ans. Interrogé sur leur présence près de la prison, le passager a reconnu avoir jeté un sachet contenant du charbon à chicha dans la cour de la prison pour une connaissance actuellement incarcérée à Bonne Nouvelle. Le jeune homme a été placé en garde à vue pour remise irrégulière à détenu d'un produit interdit. À la maternité de Bernay, le personnel dénonce point par point les propos de la ministre de la Santé. Cette dernière pourrait être assignée en justice pour dénigrement. Lors de sa visite à Rouen samedi dernier, Agnès Buzyn a déclaré que les gardes d'obstétriciens n'étaient pas toujours assurés. Faux, c'est ce que réplique le personnel soignant, un chef de service qui prend la parole devant la presse, c'est chose rare. Ibrahim Maquet est aussi président de la commission médicale à l'hôpital de Bernay. Il a donc réagi la gorge nouée aux paroles de la ministre de la Santé. C'est moi qui fais la liste des gardes, je n'ai jamais donné une liste vide avec des trous ou des médecins qu'on ne connaît pas. Samedi dernier à Rouen, Agnès Buzyn avait donc expliqué que la fermeture de la maternité le 1er février était justifiée, notamment à cause de carences dans les gardes. Une assignation contre la ministre pour dénigrement, une procédure civile qui se rapproche de la diffamation est donc envisagée. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On était déjà très mécontents, très blessés. C'est ce que déclare donc le personnel. Pascal Broutet, âgé de 55 ans, comparé depuis ce mardi et encore jusqu'à aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Eure à Évreux. Cet ancien directeur d'un centre équestre basé à Épier, à une trentaine de kilomètres au sud-est d'Évreux, est accusé d'avoir commis des viols et des agressions sexuelles, parfois en récidive, sur des adolescentes qui fréquentaient son établissement. Certaines n'avaient pas 15 ans au moment des faits. Mis en examen et placé en détention provisoire en avril 2015, il est resté détenu depuis. Durant l'instruction du dossier, le nombre de plaignantes, initialement de 4, a augmenté. Il y en a 9. Pascal Broutet a déjà été reconnu coupable d'agression sexuelle sur mineurs en 2007 par le tribunal correctionnel d'Évreux, qu'il avait condamné à une peine de 8 mois de prison avec sursis, assortie d'une obligation de soins et d'indemnisation des victimes. Toute cette semaine, les habitants d'Évreux et les scolaires ont rendez-vous avec le troupeau de moutons communal pour la transhumance de l'automne. Le départ a eu lieu mardi vers 10h depuis les coteaux de Saint-Michel. 160 brebis ont donc circulé durant un peu plus d'une heure dans les rues d'Évreux. À la tête du cheptel de 270 moutons de la ville, Benoît Voisin, il est le berger communal depuis plusieurs années. Dans son travail, il peut compter sur Galopin, son fidèle chien de berger. Après avoir sillonné une partie de la ville, le troupeau a rejoint le pré du Bel et Bas. Il y stationne jusqu'à aujourd'hui. Les centres de loisirs, les écoles et la population étaient donc invités à venir à la rencontre des animaux. Et pour information, la finale de la Coupe de France du concours continental de chiens de berger sur troupeau a lieu ce week-end au parc de l'Hippodrome de Navarre à Évreux. L'entrée est gratuite. 16. I never knew anybody till I knew you. I never knew anybody till I knew you. stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick so the lines get blurry. And the nights in your paws so we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, y'all are free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky is the ceiling. Glow is the bass and the high is the feeling. The world is the club, all in, cause we can. This one for the books, don't worry about a thing. Et le soleil peut attendre que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Je me fous de ce que tu penses, moi je parle à l'évidence. Nous ne passerons pas l'hiver cette fois. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre. Labyrinthe en désert, crois-moi. J'ai déposé des cendres dans le cendrier des anges. J'irai revoir la mer sans toi. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. We'll be fine, we'll be fine, I guess. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. Il est midi sur novembre. Nous ne partirons pas ensemble. Mon cœur a décidé pour toi. Et le soleil peut te prendre, que j'ouvre un peu les yeux sur toi. Il est midi sur novembre, nous ne partirons pas ensemble. Ton cœur a décidé pour moi. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo. Au lever du jour de ce vendredi 19 octobre, nuages sur les côtés, brumes ou bancs de brouillard dans les terres et dans les vallées. Soleil partout ensuite avant la fin de la matinée avec un vent faible à modéré et des températures minimales comprises entre 6 et 13 degrés ce matin. Large soleil encore pour tout ce vendredi après-midi avec un vent sensible près du littoral et des maximales stables comprises entre 18 et 21 degrés. Dans la nuit de ce mercredi, vers 4h et 5h du matin, plusieurs Lauvériens ont été réveillés par les sirènes des pompiers de la police dans la rue des Oiseaux, Boieldieu ou encore devant le lycée de Créteaux. Une dizaine de véhicules ont brûlé, propageant même certaines flammes dans les jardins environnants. Le maire de la ville, François-Xavier Priolo, a condamné avec la plus grande fermeté les violences urbaines commises à Louviers. Il s'agit d'actes inadmissibles qui méritent des sanctions exemplaires. Aucun blessé n'était à déplorer. Et puis à la maternité de Bernel, le personnel dénonce point par point les propos de la ministre de la Santé. Cette dernière pourrait être assignée en justice pour dénigrement. Lors de sa visite à Rouen samedi dernier, Agnès Buzyn avait en effet déclaré que les gardes d'obstétriciens n'étaient pas toujours assurés. Faux, c'est ce que réplique le personnel soignant. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On était déjà très mécontents, très blessés. Fin de citation. Voilà en ce qui concerne les titres développés dans votre prochain journal. Très belle journée sur Cristal. La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Notre première candidate est une monitrice d'auto-école du côté de Pont-Audemer. Bonjour Julie. Bonjour Aurélie, comment ça va? Eh bien ça va super bien, il fait beau. Ça va. Moi tant qu'il y a du soleil, ça va généralement. Ici c'est couvert, hein. On n'a pas un temps formidable. Du côté de Pont-Audemer, c'est couvert? Ouais, c'est couvert, il fait doux mais il fait gris quand même. N'hésitez pas à nous donner vos météos hein, du côté de chez vous, quelles sont vos températures. Vous allez sur le Facebook de Radio Cristal. N'hésitez pas à nous partager aussi quelques petites photos. Alors Julie, donc du coup, monitrice auto-école. Oui, tout à fait. C'est un métier que tu as toujours voulu faire? Plus ou moins. J'ai un papa qui travaillait déjà dans la sécurité routière. J'étais beaucoup attirée par l'enseignement. Oui. J'étais sportif au départ et du coup, je me suis un peu repositionnée sur l'auto-école, mais je pense que c'est lié beaucoup à l'éducation familiale, en fait. D'accord. Alors, Julie, ne serais-tu pas en voiture, au téléphone? Du tout, pas du tout. C'est parce qu'on entend du bruit derrière. Est-ce que tu n'es pas en haut-parleur? Non, pas du tout. Là, je suis pas en voiture. Ah, c'est parce qu'on t'entend un petit peu mal. Bon, ce ne serait pas un super bon exemple de la part d'une monitrice d'auto-école d'être au téléphone et jouer à la radio en même temps, hein? C'est ça. Bon, tu as eu des examens ce matin ou pas? Non, c'est de la préparation pour du permis de conduire. Et alors, la personne qui va passer bientôt son permis, est-ce qu'elle va l'avoir ou pas, là? Bah, elle a toute sa chance, elle a toutes ses chances, en tout cas, de l'avoir. Donc, je me soucie pas de son passage. Normalement, ça devrait le faire. Généralement, on a toujours toutes nos chances au moment de la conduite avec le moniteur dont on a l'habitude d'avoir à côté de nous. Et puis, dès qu'il y a l'examinateur pour le permis, bah là, il n'y a plus personne. On tremble. On a les marmottes, on a du mal à appuyer sur la pédale d'embrayage. Je dis ça parce que moi, il y a deux semaines, hein, je vais vous faire des confidences aujourd'hui dans la pause déj. J'ai passé mon permis. Ça se passait bien, très très bien avec les moniteurs et tout ça. Et là, ça a été la catastrophe. Le stress, tout. Et faute éliminatoire. Voilà. Bon, tant pis. C'est pas grave. Ce sera pour une prochaine fois. Hein. D'ailleurs, j'en profite parce que je fais un petit coucou à mes moniteurs d'auto-école. Je sais qu'ils m'écoutent sur la route. Voilà, on écoute Cristal quand on est dans la voiture. Je vous fais un gros bisou. Julie, on est parti pour une minute de questions? On est parti. J'espère qu'on va bien t'entendre en tout cas. Oui, il n'y a pas de raison. Je te souhaite bonne chance. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Sur quelle chaîne le match de foot France-Allemagne a-t-il été diffusé mardi soir? Quel homme politique a fait le buzz cette semaine en filmant une perquisition des policiers à son domicile? Je passe. Quel anglicisme désigne des grains de maïs soufflés, salés ou sucrés? Des popcorns. Quel est le prénom du footballeur français nommé Kanté? Kanté. Quel héros de cinéma est surnommé Indy par ses amis? Je passe. Quelle ville de la Côte d'Azur a été rendue célèbre par le cinéma et par son gendarme? De quelle actrice française Marie-Lou Berry est-elle la fille? Berry, je passe. Quel est l'acteur principal du film First Man à l'affiche depuis hier en salle? Qu'est-ce que tu dis? C'est un film avec, avec plusieurs acteurs, non? C'est des hommes qui veulent devenir nageurs, enfin, de faire de la natation synchronisée, non? C'est pas ça? Non, non, non. Je crois que là, tu parles du film de Gilles Lelouch. Là, je te parle de First Man. C'est le premier homme qui marche sur la Lune. Et c'est, oh bah, c'est un beau gosse, hein, quand même, qu'on connaît très bien, nous les femmes, généralement. Ryan Gosling. Non, tu étais pas là. D'accord. Non, bon. Pas du tout, c'est pas grave. Tu parles de grand bain, mais t'étais grave en train de nager dedans là, en fait. Hein, c'est pour ça. Alors, l'actrice française. De quelle actrice française Marie-Lou Berry est-elle la fille? Alors, Marie-Lou Berry, vous avez pu la voir dans les films comme, par exemple, Joséphine, où elle est le personnage principal. Elle est d'ailleurs enceinte en ce moment. On félicite bien sûr les futurs parents. C'est la fille de Josiane Balasco. Ah d'accord, oui, j'ai entendu en plus hier sur votre l'actualité, j'ai entendu, je l'avais vu en fait. Et l'héros de cinéma qui est surnommé Indy par ses amis, c'était Indiana Jones. D'accord, ben ça je savais pas du tout. Bon, c'est dommage parce que ça a démarré plutôt bien. Hein. D'accord, ben c'est pas grave. Avec des bonnes réponses. Alors attends, rien n'est encore fait, on va connaître ton score dans un instant. Tu restes avec nous? Oui, merci Muriel. On écoute Calvin Harris tout de suite, voici Promises au cristal. Are you drunk enough? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruining? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises. C'était Calvin Harris en compagnie de Sam Smith avec Promises. Lise. Bienvenue dans la pause déj. Vous jouez aujourd'hui pour remporter un robot pétrin. Vous appelez au 02 32 23 53 96. Mais attendez d'avoir déjà le score de notre première candidate, Julie de Corneville-sur-Isle. Alors Julie, comment on se sent après cette pause déj? C'est très sympathique. Je pense que j'ai été ridicule sur le nombre de réponses. Mais globalement, je me défends, mais je pense que c'est beaucoup mieux que moi. Alors, je rappelle à tout le monde que tu es monitrice d'auto-école à Pont-Audemer. Alors, est-ce que tu as eu l'examen de la pause déj aujourd'hui? Non, je pense que je suis recalée. Bon, il faut... on peut pas avoir de points minimum dans la pause déj, hein, c'est une question de score à battre. Pour le coup, tu seras le score à battre aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Alors, sur quelle chaîne le match de foot France-Allemagne était diffusé hier soir? Donc, mardi soir, je veux dire, c'était M6 et non pas TF1. J'étais persuadée du contraire. Mais oui, c'est vrai, en effet. Ça te fait une bonne réponse en moins, du coup. Oui, déjà, oui. J'avais esquivé trois bonnes réponses, mais là, pour le coup, t'en fais deux, je pense. Ah, tu pensais à trois bonnes réponses, c'est ça? Oui, je pensais. L'artiste qu'il fallait reconnaître, en effet, dans cet extrait, c'était Eminem. L'homme politique qui fait le buzz cette semaine, ça tu l'as eu, c'est vrai, qui fait le buzz cette semaine en ayant filmé sa perquisition, donc des policiers sont... Oh là là, pourtant on en a entendu parler. Oui, mais moi j'écoute pas la télé, je trouve ça hyper nocif en fait. Il faut la regarder cette vidéo, je pense que c'est une des vidéos qu'il faut regarder en ce moment, c'est la perquisition de Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, d'accord, ok. Ça donne des scènes un peu improbables, quoi. Ah oui, d'accord. Du Mélenchon tout craché. Très caricaturé, quoi. Oui, voilà. C'est très théâtral, quoi. Quel anglicisme désigne des grains de maïs soufflés, salés ou sucrés? On parle des pop-corn au cinéma, par exemple. Le prénom du footballeur français nommé Kanté, c'était N'Golo Kanté. Bien sûr, bien sûr. Non, mais ma fille va me tuer. Je t'ai bien sûr accepté cette réponse. Même si tu as répondu trop vite, j'aurais pu être un peu plus sévère avec toi aujourd'hui. Enfin, c'est surtout Jocelyne, l'arbitre, hein, qui est sévère ou non. C'est surtout Jocelyne qui a piqué de moi, en fait. Voilà. C'est exactement ce qu'elle m'a dit entre nous. Non, je rigole, bien sûr. Alors, quelle ville de la Côte d'Azur a été rendue célèbre par le cinéma et par son gendarme? Alors, t'avais répondu Cannes immédiatement, sans laisser la question se terminer. C'était bien sûr Saint-Tropez. Alors, tu t'es rattrapé juste après. On a décidé de t'accorder le point aujourd'hui. C'est assez exceptionnel. On ne fait pas ça à tout le monde. Non. Alors, Julie, tu as fait 3 points aujourd'hui. Oui, gentiment, j'ai fait 3 points. Gentiment, tu as fait 3 points. Donc, il y a peut-être tes élèves qui t'écoutent en ce moment. Hein, je ne sais pas. Bon, voilà, vous allez pouvoir vous moquer de votre monitrice d'auto-école. Un gros coucou, parce que je les adore. Ils sont vraiment adorables. Et puis, tu as l'air d'être une très bonne monitrice aussi. Très dynamique, très souriante. Écoute, je fais de mon mieux déjà. Et puis, j'accompagne au maximum. Et puis, si ça marche, tant mieux. Voilà. Et bien, il vaut mieux rester comme ça, parce que j'ai eu des moniteurs d'auto-école dans une ancienne région. Pareil. Qui nous mettait la pression. Mais tu sais pas conduire? Bah non, je sais pas conduire, sinon je serais pas là. Non, moi je le fais juste pour rire parfois. Ça me fait souvent penser au petit passage de taxi où l'inspecteur n'en peut plus parce que l'acteur n'arrive pas à conduire. Et donc là, des fois, je leur dis, mais on va pas arriver à ça quand même. Du coup, c'est assez drôle, mais là, c'est plutôt pour détendre l'atmosphère, voilà. Pour leur mettre la pression. On a vraiment besoin de ça, hein, quand on apprend à conduire. Je pense que tout le monde le sait. Hein, voilà. Bon, moi, j'ai des bons moniteurs, donc je pense que si je refais la même chose que ce qu'on m'a... On m'a prodigué, voilà. Bon, Julie, tu restes à l'écoute de Christelle. On va voir si tu n'es pas battue. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, ça va être plutôt facile. Elle vous laisse la chance de remporter un robot pétrin aujourd'hui, Julie. Elle a fait 3 bonnes réponses. À vous d'en faire au moins 4 aujourd'hui pour la battre. 02 32 23 53 96. Gros bisous à toi, Julie. Merci à vous. Merci à Joséphine. C'est Jocelyne. Mais Joséphine, ça lui va bien aussi. Jocelyne, merci à vous. Bisous, Julie. Ta gentillesse. Au revoir. Vous écoutez la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour.

Oui, bonjour, Radio Cristal. Tu habites à Verneuil-sur-Avre et tu es en ce moment avec tes collègues. Ouais, t'as décidé de jouer en équipe, et bah t'as bien fait, c'est une très très bonne idée. Vous pouvez jouer en équipe, hein, bien sûr, avec vos collègues ou encore avec vos amis ou famille tous les midis ici. Vous avez parfois plus de chances de remporter ce fameux chèque de 500 euros. Vous savez, il faut faire 10 bonnes réponses consécutives en moins d'une minute. Ce n'est pas encore tombé pour cette deuxième saison de la pause déj. Alors ah, Sylvain, on peut rêver de ces 500 euros, hein. D'accord, on va essayer. On va faire tout le maximum pour essayer de gagner 500 euros. Tu t'entraînes dans la voiture à la pause déj? Non, là, je suis en pause déjeuner avec mes collègues. Alors, est-ce que tu t'entraînes, toi, tout seul dans ta voiture, par exemple, la pause déj? Non, c'est vraiment la première fois que tu joues et que tu ne réponds jamais aux questions, quoi. Non, exactement. D'accord, ok. Bon, bah, on y va à l'aveugle un peu aujourd'hui, du coup. On y va. Est-ce que tu es prêt? Un petit coucou à tes collègues, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Quand on se... Tu as dit William. Il va falloir donner une réponse. Villa-Chipol. Quand on se lève très tôt, on dit qu'on se lève au... Aux aurores. Quelle race de chien aux longues pattes fines est réputée pour son aptitude à la course de vitesse? Mouvrier. Cite l'un des principaux acteurs de la saga La Vérité si je mens. Jean-Luc Garcia. Quel anglicisme désigne le fait de faire les magasins? Shopping. En 1996, elle chante Wannabe. Qui sont-elles? Quel héros de dessin animé n'aime pas l'école, vit chez Tante Polly et a pour amis Huck et Becky? Donne-moi à 3 ans près l'âge des frères Bogdanov. Un acteur de Dallas. C'était le Camoulox, là, le dialogue de sourds. Je te demandais l'âge des frères Bogdanov. Tu m'as répondu quoi? Christian. Alors, Jocelyne, t'as compris l'arbitre? L'acteur de Dallas. Non, t'as pas compris? Non. Alors, je te demandais l'âge des frères Bogdanov. Ah, l'âge? L'âge. 62 ans. Non, ils ont 69 ans. Bon, sans regret, du coup, tu l'aurais pas eu, du coup. Bon, c'est pas grave. Alors, l'artiste qu'il fallait reconnaître dans cet extrait, on a passé 30 secondes dessus, je crois, au moins. Fallait reconnaître, donc... J'ai entendu YMCA, alors ça c'était le titre de la chanson, moi je demandais l'artiste. Ouais, c'était Village People, mais effectivement elle a peut-être un peu trop tard. Ouais, ouais, c'était Village People. Jocelyne, Jocelyne est gentille aujourd'hui, dans un bon jour. Elle a accepté du coup. Bon bah merci Jocelyne. Merci Jocelyne, c'est gentil. Pour une fois c'est la gentille. Quand on se lève très tôt, on dit qu'on se lève aux aurores. En effet, ça c'est franchement donné, hein. Bon, à part les frères Bogdanov, vous avez eu que des bonnes réponses, quasiment. Ah, super. Ouais, mais alors combien vous en avez eu? Puisque du coup, vous avez pris beaucoup de temps, hein, sur certaines questions, je pense que vous avez battu aujourd'hui la première candidate, hein, Julie de Pont-Audemer. On va voir quel sera donc le prochain score à battre juste après Georges Ezra avec Shotgun sur Cristal. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. Sun and change in the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun. C'était Shotgun sur Cristal en plein cœur de la pause déj. Il faut battre, bon, Julie de Pont-Audemer, on le sait à peu près avec les deuxièmes candidats, l'équipe de Sylvain du côté d'Evreux, il me semble. Que bon, Julie a été battue aujourd'hui. Hein. Vous avez fait au moins 4 points, ça c'est certain. Super. Quelle race de chien aux longues pattes fines est réputée pour son aptitude à la course de vitesse et le lévrier? D'ailleurs, Sylvain, tu peux remercier tes collègues, hein, ils t'ont pas mal aidé aujourd'hui. Hein. Oui, bien remercié pendant la pause musique. C'est vrai que tu répétais les réponses qu'ils te donnaient, quoi. Exactement, oui. Cite l'un des principaux acteurs de la saga La Vérité si je mens, qui va bientôt revenir d'ailleurs. Alors, j'ai entendu José Garcia, en effet, ça marche. Il y avait aussi Richard Anconina, Eli Kaku, Bruno Solo, Gilbert Melki, il y avait aussi Anthony Delon. L'anglicisme qui désigne le fait de faire les magasins. J'adore ce mot et j'adore le faire aussi. C'est le shopping. En 1996, elles ont chanté Wannabe, qui sont elles les Spice Girls. Ah, t'avais cette réponse par contre. Ouais, d'accord. Alors, on peut pas te battre hein, sur les Spice Girls. Le héros de dessin animé qui n'aime pas l'école, qui vit chez Tante Polly, qui a pour ami Huck et Becky. Vous avez mis un petit peu de temps si à trouver cette réponse, c'était Tom Sawyer. Mais c'était une bonne réponse. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, vous avez battu Julie, vous avez fait 7 points. Ah, génial, ouais. Et comme quoi, quand on joue en équipe, eh bien, on fait des jolis scores. Oui, oui, c'est vrai que j'aurais été seul, pris par le stress. Ouais, j'aurais... Oui, voilà. Au moins, on est rassuré, on a ses amis à côté, ses collègues. Vraiment, on vous invite à jouer entre collègues. Hein. 02 32 23 53 96. D'ailleurs, si vous pensez être une équipe qui peut battre aujourd'hui Sylvain et ses collègues, hein, vous nous appelez dès maintenant. Il faut faire au moins 8 points pour les mettre hors compétition. Le numéro, c'est toujours le même, 02 32 23 53 96. Et qui sait, vous allez peut-être décrocher ces 500 euros si vous faites 10 bonnes réponses d'affilée. Merci à vous. Merci, Ben. Et puis, si tu... Ouais, si tu n'es pas battu, on te rappelle, d'accord? D'accord, très bien, ok, parfait. Gros bisous, bon appétit à tout le monde. Au revoir. Vous écoutez la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. On débute avec un mot de la météo. Au lever du jour de ce vendredi 19 octobre, nuages sur les côtés, brumes ou bancs de brouillard dans les terres et dans les vallées. Soleil partout ensuite avant la fin de la matinée avec un vent faible à modéré et des températures minimales comprises entre 6 et 13 degrés ce matin. Large soleil encore pour tout ce vendredi après-midi avec un vent sensible près du littoral et des maximales stables comprises entre 18 et 21 degrés. Dans la nuit de ce mercredi, vers 4h et 5h du matin, plusieurs Lauvériens ont été réveillés par les sirènes des pompiers de la police dans la rue des Oiseaux, Bois-le-Dieu ou encore devant le lycée de Créteaux. Une dizaine de véhicules ont brûlé, propageant même certaines flammes dans les jardins environnants. Le maire de la ville, François-Xavier Priolo, a condamné avec la plus grande fermeté les violences urbaines commises à Louviers. Il s'agit d'actes inadmissibles qui méritent des sanctions exemplaires. Aucun blessé n'était à déplorer. Et puis à la maternité de Bernel, le personnel dénonce point par point les propos de la ministre de la Santé. Cette dernière pourrait être assignée en justice pour dénigrement. Lors de sa visite à Rouen samedi dernier, Agnès Buzyn avait en effet déclaré que les gardes obstétriciens n'étaient pas toujours assurés. Faux, c'est ce que réplique le personnel soignant. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On était déjà très mécontents, très blessés. Fin de citation. Voilà en ce qui concerne les titres développés dans votre prochain journal. Très belle journée sur Cristal. Cristal, la première hit radio en Normandie. Fume le cigare comme une cubaine, le sandal rempli de mes peines, paumé dans les bouchons de Liège, goutte après goutte, je m'abrège. Encore une fois, c'est ma tournée, pas la dernière de la journée. Je suis le reflet du n'importe quoi, même le miroir se moque de moi. J'ai passé ma nuit au comptoir, tout ça dans l'espoir de te voir. Je t'attends encore. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait un peu plus fort. Tour me mente, je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser, les démons m'invitent à danser. Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir, belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. C'est Sylvain de Verneuil-sur-Avre qui détient ce score pour le moment. Notre dernier candidat habite à Évreux. On reste pas loin de Verneuil-sur-Avre, hein, pour le coup, avec Quentin. Bonjour. Bonjour Aurélie. Quentin, tu es un facteur? Oui. Alors facteur vélo, facteur voiture? Facteur voiture. Facteur voiture. Saint-Sébastien. Sur Saint-Sébastien de Morsan, c'est ça? C'est ça, ouais. D'accord. Une petite question pour toi aujourd'hui. Oui. Entre nous, et je pense que beaucoup de personnes se posent la question, quand vous livrez des colis, par exemple, vous dites parfois que vous êtes passé. Et en fait, moi, non. Je suis passé. Est-ce que... Sans dévoiler, voilà, des collègues et trucs comme ça, est-ce que ça arrive? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de passer toute la journée chez moi. Mmh. D'aller regarder dans la boîte aux lettres, d'avoir un avis de passage et de n'avoir entendu personne frapper à la porte. C'est fou quand même. Ça peut arriver. Oh là là. Ouais, c'est pas bien ça. Franchement, c'est pas cool du tout. Bon, Quentin, au moins, ce qui est bien, c'est que tu l'avoues. Oui, bah oui. De toute façon, personne n'est parfait, mais ça se fait pas. C'est vrai, on peut avoir nos petits coups de flemme, hein, ça c'est sûr. Hein. Après nous, le problème c'est qu'on a la flemme d'aller jusqu'à la poste, hein, pour le coup. C'est ça. Alors Quentin, bon toi tu le fais pas, hein ? Non. D'accord, bon tant mieux. Tu es marié, tu es sans enfant et tu vas peut-être gagner un robot Pétrin que tu vas peut-être pouvoir offrir du coup. Ou utiliser. Ou utiliser aussi, tu fais un petit peu de pâtisserie ou pas ? Ça t'arrive ? Très rarement. Très rarement. Bon, ouais. C'est peut-être le moyen de t'y mettre hein, pour le coup, hein, parce que ça peut bien t'aider à faire des gâteaux. Alors, exactement. Le deuxième candidat, Sylvain de Verneuil, sera à jouer en équipe pour le coup. Toi, tu joues tout seul aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance. Il faut que tu fasses 8 points minimum pour le battre. Ouais, ça va être dur. Allez, concentration, on y va. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait ? Quel est le sport à l'honneur dans le dessin animé Jeanne et Serge ? Le volleyball. Quelle est la couleur du poivre quand il est frais ? Blanc. Quel élément du moteur d'une voiture sert à refroidir les circuits pour éviter la surchauffe ? Le liquide de refroidissement. À quel genre musical le groupe Téléphone est-il associé ? Le rock. 539 moins 24 égale... Je passe. Quelle est la capitale du Mexique ? Je passe. Quel nombre est communément associé à une position sexuelle ? Le 69. Cite un homme ou une femme politique dont le nom ne comporte pas la lettre E. Chirac. Donne-moi 300 près l'âge de Will Smith. 64 ans. Wow ! Oh le pauvre ! Ah non ! Ah oui, Will Smith, 64 ans ! Ah c'est pas, il est vieux maintenant. Hein. Ah mais je sais qu'il a pris un petit coup de vieux quand même, on l'a vu dans ses derniers passages sur les plateaux télé, oui, quand les filles. Ouais. Il devient grisonnant, mais alors 64 ans, la retraite ouais, et tout. Il a 50. Ouais, il a 50 ans, Will Smith. Moi je le voyais très vieux. S'il nous écoute, va être très vexé, hein. Oui, Smith, désolé, c'est pas moi, c'est Quentin Desbreux qui l'a dit. Hein. 50 ans, en effet, pour Louis Smith, donc je ne peux pas t'accorder, bien sûr, cette réponse. La première, Jocelyne n'a pas entendu. Eh ben, faut régler le sonotone, Jocelyne. Alors, pour la musique. Pour la musique, ah oui, alors tu as dit Bruno Mars. Moi, j'ai très, très bien entendu. Il a changé ses cordes vocales, quand même, Bruno Mars. Hein. Bon, tu la connais cette chanson, hein ? Pas non, du tout. Pas du tout. Moi, c'était les Daft Punk. Ah non, pas du tout. Avec Pharrell Williams, Get Lucky qui avait cartonné. C'était quoi, en 2015-2014 ? C'était génial, ça a été un gros carton. Quel sport est à l'honneur dans le dessin animé Jeanne et Serge ? C'était en effet le volleyball. Et la couleur du poivre quand il est frais ? J'ai appris quelque chose également. Alors toi, tu as dit blanc. Il est vert, le poivre, quand il est frais. Mais en plus, je comprends même pas le terme, enfin frais, je... Bah, en fait, j'ai pas compris. C'est comme une plante qui pousse, quoi, en gros, le... Bah, ah oui, le d'accord. Poivre, quand il est frais. Oui, bah oui. D'accord, oui, ok. Alors... Je sais pas non plus, oui. Quentin, tu restes avec nous aujourd'hui. On va écouter Jane là, tout de suite. On va faire vraiment d'accord. Une petite pause de 2 minutes. Je vais compter les points que tu as fait aujourd'hui. Donc on va voir pas battu. Si... Ouais, on va voir si tu as battu dans un instant. Donc, Sylvain. Baby, call. allons connaître le gagnant de la pause déj aujourd'hui qui a remporté un robot pétrin. Est-ce que c'est Quentin Desvreux ou encore Sylvain de Verneuil-sur-Avre? Nous allons d'abord débriefer donc les réponses de Quentin. Alors, l'élément du moteur d'une voiture qui sert à refroidir les circuits pour éviter la surchauffe, on parle du radiateur. Le genre musical de la troupe Téléphone, c'est bien le rock, bonne réponse. Bon, pour les maths, on passera un autre jour, hein, d'accord. Non, mais d'habitude, ça va, les chiffres, mais là, j'étais paumé. Oui, 539 moins 24 égale 515. La capitale du Mexique, c'était Mexico. Ah, oui. Et le nombre qui est communément associé à une position sexuelle. Alors là, monsieur, là, hein, la réponse, hein. Bah, c'est facile. C'est le 69. Tu m'aurais dit 58, j'aurais trouvé ça très bizarre. J'aurais voulu une démonstration. Et cite un homme ou une femme politique dont le nom ne comporte pas la lettre E, tu as dit Chirac et c'était une bonne réponse. Fallait que tu fasses 8 points pour battre Sylvain de Verneuil-sur-Avre aujourd'hui. Bon, tu l'as compris, ouais. Quentin, ce sera pas suffisant pour aujourd'hui, tu as fait 4 bonnes réponses. Voilà, bon. Tu vas retenter ta chance, hein, je te connais, hein, maintenant. Hein. Oui, bah oui, j'aime bien, moi. Quentin, merci d'être toujours aussi fidèle. Bon courage pour le boulot aujourd'hui. Ah oui, bah merci, c'est gentil. Vous écoutez la rediff de la pause déj. La pause déj. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Jusqu'à 9h30. Eh, ça sent déjà le week-end, non? Bon, d'accord, c'est peut-être un peu tôt pour y penser. Il est à peine 5h30, mais en général, ça motive pour la dernière journée de boulot du vendredi. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien ce matin, que vous êtes en forme et déjà d'attaque pour démarrer cette journée. On est en direct avec vous sur Cristal, comme tous les jours, pour rigoler, s'informer, se divertir, pour vous faire gagner des cadeaux aussi. Et votre petit-déj, oui, vous le savez, le vendredi, c'est boulangerie. Et on vous offre des pains au chocolat avec une boulangerie de la région. Ce sera

Leclerc. Juliette, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, le PC portable HP de 17 pouces avec 4 gigas de mémoire et un disque dur d'un tera, le tout 349€. Un PC HP avec un tera ? 349€. Du 16 au 20 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le PC portable HP 17 pouces avec disque dur 1 teraoctet, garantie 2 ans constructeur, est à 349€, dont 50 centimes d'éco-participation. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Cristal, la première hit radio en Normandie. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent des larmes, qui consolent les enfants. Donne-moi ta main. Que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes. Et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no, no, no, no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Speak our language.

Vous êtes sur Cristal, on est vendredi. Ce soir, c'est le début du week-end et des vacances de la Toussaint, les amis. En plus, il fait beau en ce moment, c'est super agréable. On espère que le temps tiendra pendant ces deux semaines de vacances, que vous puissiez profiter de sortir en famille, même si je sais que la plupart d'entre vous vont continuer de bosser. Eh oui, eh ben nous, on vous lâche pas sur Cristal. On sera là, en direct, tous les matins, pour vous accompagner jusqu'au boulot. Hein. Que vous soyez sous la couette, déjà au travail ou sur les routes, on est là avec vous. Je pense à tous ceux qui bossent de nuit ou très tôt, les infirmiers, les policiers, les chauffeurs de bus et de taxi, les boulangers évidemment, hein, qui vont offrir le petit-déj d'ailleurs tout à l'heure aux alentours de 7h20, soyez là. On va pas vous laisser partir au travail le ventre vide quand même, ce serait bête. Soyez les bienvenus en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser vos températures météo hein, sur le Facebook de Cristal. La météo, on y revient après 6h et l'actu. D'abord, on retrouve Alexandra pour l'horoscope de ce vendredi. Salut Alex. Bonjour à tous, bon vendredi. L'horoscope ce 19 octobre, les béliers, vous ne verrez que ce qui n'ira pas au lieu de profiter des bons moments. Taureau, vous avez peur de ne jamais pouvoir trouver le véritable amour et pourtant le ciel astral vous promet une toute autre destinée. Gémeaux, vous serez attentif envers vos amis, vous serez un sacré pilier pour les autres. Cancer, vous serez surpris que certaines personnes vous témoignent de l'affection. Amis Lion, pour l'exécution de toutes vos tâches professionnelles, vous aurez un moral d'acier. Vierge, même si vous n'en voyez pas les avantages, vous devriez opter pour de la méditation et une bonne tisane. Balance, vous aurez tendance à tout remettre en cause pour une affaire qui n'a pourtant pas beaucoup d'importance. Les scorpions, vous êtes dans vos rêveries. Vous aspirez à la rencontre tel un conte de fées avec le prince charmant ou la belle sirène. Sagittaire, vous qui serez une véritable éponge, vous ne vous laisserez pas impressionner et vous lâcherez prise. Les capricornes, les célibataires, ne vous laissez pas agacer par les indécis. Laissez tomber car vous, vous savez ce que vous voulez. Les Verseaux, grâce à votre bienveillance, vous saurez mettre fin à toute dispute naissante. Et les poissons, vous prenez votre courage à deux mains et vous allez discuter à cœur ouvert avec celui ou celle qui partage votre vie. Excellente journée à tous. Why don't you answer your phone? I don't like to pretend, no. But I saw you go backstage. You're going on about her. And from what I heard, you're having trouble. On the